les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les bas-fonds de Paris, nous les explorons depuis un certain temps. Nous explorons les fortifs et nous partageons la joie des mômes, les malheureux petits puretins qui ne peuvent pas courir dans les chaumes, qui ne vont pas à la campagne mettre leur petit cul au grand air parce qu'ils sont des enfants de putain. Les fortifs, c'est leur terrain de jeu. Donc il ne faut pas démolir les fortifs, lesquels fortifs entourent, encerclent Paris, le Paris d'Aristide Bruand. Les bas-fonds d'Aristide Bruand, adapté sur France Culture au début des années 80, voici cette nuit les 16e et 17e épisodes. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 16e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Monique Thierry, Pierre Constant, Francine Bouffard, Rosine Favet, Yvonne Clèche, Jean-Jacques Stein, Pierre Trabeau, Philippe Lodenbach, René Renaud. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Fossoyeur, dernier des métiers, que j'entends qu'il n'y en a d'aucun qui disent. Il n'y a guère que les héritiers de ceux que j'enterre qui ne se formalisent pas de ce que je fais. Eh ben, je m'en fous. Mon métier me donne de la jouissance assez pour que je ne sois pas jaloux de ceux qui ont la braise et la puissance. Car j'enterre pas que les Maccabées qui sentent le chlore. Et la charogne, j'enterre les loulous, les bébés. C'est ça que c'en est de la chouette besogne. Quand crève sous les baisers d'un roi ou qu'a meurt sur un lit d'hospice, quant à son blanche, à son à moi, vos Léontines et vos Alice. Comme des mariées couvertes de fleurs, tous les matins, on m'en apporte avec leurs parfums, leurs odeurs. Moi, je trouve que ça sent bon, la morte. Je les prends dans mes bras, à mon tour, et puis je les berce, et puis je les couche, en reniflant la goulée d'amour qui s'échappe encore de leur bouche. Rosémée, sauve-la, sauve-moi, mon bien-aimé. Oh, Rosémée, pauvre martyr, je la vois, mon Jean adoré, je te dis que je la vois. Elle pleure, elle souffre, elle m'appelle. Mon Dieu, docteur, elle délire. Que pouvez-vous faire? Le mal s'est déclaré avec une grande violence et a fait des progrès rapides. Où la comtesse couvait depuis longtemps cette maladie. Les fatigues, les veilles, le surmenage, enfin, la contagion, ont fini par triompher de ses forces. Diphtérie, mon cher. Diphtérie rapide, et je ne vous le cacherai pas, meurtrière. Docteur, docteur ne peut pas mourir parce qu'elle a soigné des enfants pauvres, malades, abandonnés. Calmez-vous, cher ami. Le croup qu'elle a soigné à la crèche Rose-Aimée n'est qu'une forme adéquate de la diphtérie. Il importe de pratiquer au plus tôt des injections de sérum. Monsieur Patrice est parti pour les haras du docteur Roux à Garches. Nous aurons ainsi le sérum antidiphtérique de première main. Il ne tardera plus. En attendant, sa femme, Hélène, fait tout ce qui est en notre pouvoir. Badigeonner la gorge avec un tampon d'ouate imbibé d'acide nitrique toutes les 10 minutes pendant la première heure. Maintenant, il se produira peut-être un phénomène tout à fait particulier à la diphtérie. Le malade s'angoisse par ce que nous appelons la soif d'air et que la respiration ne parvient pas à calmer. Il faut donner de l'air au malade le plus directement possible, en agitant un éventail le plus près possible de sa bouche, bien que cela ne vaille pas l'application directe d'une bouche soufflant le plus fort possible dans le larynx du malade. Je ne vous conseille pas ce procédé dangereux. On ne cite que trop de personnes qui ont payé de leur vie ce généreux dévouement. Rose-Aimée. Courage, mon cher. Nous réussirons. Jean. Il me vient une idée, docteur. Jean. Dans son délire, Adrienne se figure avoir retrouvé notre petite fille perdue. En voyant tout à l'heure à la crèche une petite chiffonnière. Tenez, tenez, écoutez-la. Rose-Aimée. Rose-Aimée. Jean. Si on lui présentait cette petite fille, de loin naturellement, à l'abri de la contagion, psychologiquement, cela aurait peut-être un effet salutaire. Il s'agit d'une maladie infectieuse, et la comtesse ne reconnaît personne. Rose-Aimée. Après tout, dans notre position, il ne faut rien négliger. Ma fille. Alors je déclenche immédiatement des recherches à Vanves, à Malakoff, à Vaugirard, les environs. Ma fille. Ma Rose-Aimée. Je ne sais plus son nom. Je l'ai vue tout à l'heure, ma mignonne. Je sais plus. Je l'ai rencontré trop tard, Jean. Toutou aussi était Jean. Jean, ma grande Jean, je te dis que c'est elle. Laissez-moi. Je suis loin dans la neige. Je vis dans un taudis à la barrière avec Rose-Aimée. Les frères, les sœurs. Aussi. Et je bats ma fille, entends-tu, Jean, je la bats. Oui, t'es gentil. Je l'envoie avec une hotte et un crochet en plein hiver chercher des chiffons dans les faubourgs. Le froid passe par les trous de ses loques. Ça attendrit les gens charitables. Il lui donne de l'argent et moi, je prends son argent, ses vêtements. Je lui fais un pourboire. Tu entends? Pourboire! Je lui fais tirer une charrette et je la frappe parce que ses petits pieds meurtris glissent sur la neige. Ah! Jean! Jean! En prison, au bagne. Mais non, papa est venu. Ta fille, Jean, sont là. Rose-Aimée, je la vois. Elle est martyrisée. En prison. Mon doux Jésus. Ma Rose-Aimée. Je te veux, ma mignonne. Oh, Jean, tu l'as, cette mégère qui torture notre fille. Elle vit dans les fortifs. Monsieur le Président de la République, excusez-moi si je vous écris. Mais voilà, faut qu'on vous explique, à cause des fortifs de Paris, qu'on dit qu'on va les foutre par terre. C'est pas drôle pour le populo, et je comprends pas que le ministère s'effoirait ça dans six boulots. Au nom des chemineux de la ville, coureurs de rue, batteurs d'autifs, qui sont des centaines et des mille. Faut pas démolir les fortifs. Les fortifs, c'est la joie des mômes, des malheureux petits purotins qui peuvent pas courir dans les chaumes parce qu'ils sont des enfants de putains. Parce que jamais leur maman gagne assez pour payer les chemins de fer et qu'ils ne vont pas à la campagne mettre leur petit cul au grand air. Au nom des cheminots de la ville, coureurs des rues, batteurs d'autifs, qui sont des centaines et des mille, faut pas démolir les fortifs. Les fortifs, c'est aussi l'asile des vaincus, des ruinés, des vieux, qui n'ayant même plus de domicile, viennent se coucher là, sous les cieux. Et souvent, dans les nuits sereines, sur le talus qui leur sert de pieu, ils rêvent que c'est la fin de leur peine et qu'ils sont partis chez le bon Dieu. Au nom des cheminots de la ville, coureurs des rues, batteurs d'autifs, qui sont des centaines et des mille, faut pas démolir les fortifs. Regretter le bonheur perdu, c'est se souvenir qu'on l'a eu. Ceux qui ont quelque chose à regretter sont mille fois plus heureux que les tristes déshérités, dont la pensée, aussi loin qu'elle se reporte, ne voit qu'un sort stérile et sans borne. Une solitude du cœur, un vide de l'âme. Rien. Rien. Être une enfant, ne point se rappeler qu'on ait eu des caresses, qu'on ait été aimé. N'avoir en sa petite et triste mémoire que le pénible souvenir des paroles haineuses, des mauvais traitements, des privations. S'apercevoir qu'aujourd'hui ressemble à hier et deviner que demain lui sera tout pareil. Un avenir de faim, de froid et de torture. Oui, il y a une plus grande douleur que de se rappeler dans la misère les temps heureux. La douleur de n'avoir jamais connu le bonheur et de désespérer qu'on puisse jamais le connaître. Existence lamentable entre toutes, et qui était celle de la pauvre petite chiffonnière, dépouillée des choses et faits qu'Adrienne venait de lui donner à la crèche Rose-Aimée, dépouillée par Fifine pour boire, exposée à la bise glaciale, à la neige, exposée à la mort afin de satisfaire les hideux penchants d'une ivrognesse et de son digne rejeton, reculons. Celui-ci promettait de devenir un marle, mais pas un costaud, loin de là. Il avait l'œil vif, quoique en dessous, et la patte crochue. Il s'était aperçu que la pauvre mignonne serrait sa menotte engourdie, et la serrait avec persistance. C'est pour sûr quelque chose qu'on lui a donné dans cette boîte à momichon. Comme c'est des rupins qu'il avait déjà frusqués, c'est loin une tupèse. Qui sait, une thune? Bon, bah, y a qu'à lui foutre une bagne et lui faucher son pognon. Oui, mais ma vieille rose de daronne pigera le coup, et c'est elle qui poissera la galette, alors Mazigo pourra se taper. Mon vieux, allons-y en douceur. Hé, ficelle! Sœurette mignonne! Eh ben quoi, faut pas trembler chaque fois que je t'approche. Dis, petit trésor chéri. Tu sais ce que je pense? Eh ben, je pense que tu dois avoir froid. Sans blague. La daronne est un vieux chameau. Moi, j'aurais pas osé faire ça, hein. Barbotter tes frusques. Faut hurler avec les loups, pour pas qu'ils vous boulottent. Si j'avais rouspété par rapport à tes frusques, j'y coupais pas. Elle cogne dur, la daronne. Si je vous disais, t'es rien salope quand t'as bu, faut pas taper sur la gosse, tu la crèveras, alors, aïe donc, à moi la danse, hein. Tu m'aimes donc un peu, Roculo? Bah. Ah oui, tu peux pas toujours me défendre. Pourquoi qu'elle me tape tout le temps? Petite sœur chérie, ça me fait de la peine de te voir comme ça avec le temps qu'il fait. Tiens, si j'avais des sous, je sais bien où j'irais, moi. Pas loin d'ici. Et t'aurais de belles affaires, toutes neuves. Plus bêtes que dans la maison aux gosses. Hein. Oh, je suis heureuse. Tu n'es pas si méchant. Tu m'aimes un peu. Écoute, mais il ne faut pas le dire à maman parce qu'elle boirait encore et elle sera encore plus mauvaise après. Ouais. La belle dame, elle m'a donné une belle pièce toute brillante. Non. Je n'osais pas la faire voir, vous auriez bu. Tu as tort toi aussi de boire, c'est ça qui te rend mauvais. Sinon tu serais plus gentille. Hey, je te jure, petite sœur, elle ne boirait plus. Hein. Tiens. Tiens, voilà la belle pièce. Et tu t'achèteras aussi quelque chose pour toi? Je le veux. Merde, un journée. Rien que ça. Ce que je vais m'employer une tranche. J'en ai mon fat de la daronne, tu sais. Quand tu voudras me refiler du pèse, la frangine, je suis d'attaque. À moi la noce, hein. Bonsoir la compagnie. Et le cynique voyou disparut, laissant sa petite frangine en pleurs à cause de la tendresse perdue. La vieille gisait dans un recoin de sa cambuse avec son quil d'eau de vie. Elle ronflait, hideuse, abjecte, dans l'ordure, un amoncellement puant de chiffons et de détritus. La petite s'endormit sur un tas de feuilles sèches. L'innocence dort partout. Ah, j'ai pensé un bon coup. Où qu'il est, mon cher Ruben? Reculons! Et toi, la peste, éveille-toi! T'as pas honte d'en écraser? Qu'il est passé, ton frangin? Il est allé acheter des affaires. De quoi? Oui, avec une belle pièce toute neuve que la dame m'a donnée là-bas, dans la jolie maison blanche. Reculons, il a pris la pièce en disant qu'il allait faire la noce. Sournoise! Sainte nitouche! Mais faut-il qu'elle ait du vice? Se payer un marloupin à son âge, débaucher le frangin, un pauvre ange du bon Dieu aussi innocent que l'enfant qui vient de naître. Et la daronne peut se taper, c'est ce qu'a à turbiner pour faire boulotter mademoiselle. La daronne bonne comme du bon pain. Combien qu'elle était la pièce, petite ordure? Dis-le. Mais je sais pas moi. Dis. Oui, il a dit comme ça. Un journée. Un journée. Dans ma boîte. Et il me passe sous le blaire. Oh la garce. Oh la garce. Tiens, ah, pour toi, salope. Salope. Ah, un journée. Oh la garce. Ah, tu m'as volé, petite pourriture. Oh la salope. Ah. Ah, je veux mon genou. Et j'aurai ta peau. Ah, je vais te crever. Ouais, ouais. Tu saignes, mais j'en ai rien à foutre. Je veux mon genou. Ah, ouais, oh, c'est moi qui aurai ta peau, vieille charogne. Ah, mais elle vaut pas assez cher pour que je me donne cette peine. Lâche-la. Veux-tu lâcher? Mais tire là ta langue, bête à venin, vipère. Mais je devrais t'écraser la tête à coups de jalon. Hein? Charogne, vieille carne! Oh! La petite, elle bouge plus. Bon, si jamais tu l'as tuée, je devrais te régler ton compte, mais c'est encore moi qui en récolterai les ennuis! Allez dehors! Vieille carne, allez dehors! Allez où? Allez! L'homme s'abaissa, prit par terre l'enfant qui gisait, lamentable et sanglante, à moitié privée de connaissance, et comme une mère affectueuse, qui dispose soigneusement son enfant dans le berceau, il l'assit sur son bras gauche replié, en ayant soin que sa petite tête douloureuse reposât sur sa forte épaule. À mort ! Allô ? Faut la pendre ! Faut l'étrangler ! Ouais. Écorcher vive ! La faire bouillir ! T'as pas le droit de vivre de pareille tigresse ! Mais pas même ! Ces bêtes-là ont soin de leurs petits ! Elle allait la tuer, la pauvre petite ! Silence ! Regarde, Fifine, le monde s'amasse, gueux, purotin, va-nu-pied, crève la faim, traîne savate, mendigo, biffin, débardeur en chômage vu que la Seine est encore gelée, et ceux qui courent après les voitures depuis les gares jusqu'au bout de Paris, en l'espoir de ramasser, diront, ils sont là, tous! Les princes de la panne, les grands ducs de la dèche, les barons de la mistoufle, les greloteux, les ramasseurs de mégots, les refileurs de comètes, leurs compagnes sont avec eux. L'amour est le seul grand patron à ceux-là qui ne connaissent ni Dieu ni maître. Et les loupiots de tout âge. qui se blottissent, peureux et frileux entre les jupes, effilochés, raptassés de pauvres mamans, qui essaient aussi de les réchauffer contre leur triste poitrine, les tout-petits, les héritiers de la misère, petits agneaux plaintifs et bêlants, destinés à la grande boucherie sociale. Mais ces hommes sont bons, comme ils sont gueux de naissance, et leurs compagnes, accablées sous le poids des gosses, sont des mères. Ici, on ne connaît pas les faiseuses d'anges. Les anges, on s'en fout un peu, on préfère les gosses. Enfin, tout ça, c'est de braves gens. Oui. On a entendu les cris de la petite. Oh, moi, je vous le dis, il y avait longtemps qu'on avait des doutes. Alors. Regardez, regardez ces cicatrices sur son corps, souffre-t-elle? Faut crever la vieille. Ouais, ça va la faire aux hommes, qu'on nous la laisse. Ouais. Tiens, prends toujours celle-là, Charogne. Arrêtez, nom de Dieu. Laissez-moi parler. Mais laissez parler, Garin, c'est un homme. Ouais, sans lui, on aurait crevé, la mignonne. L'essentiel est que la petite soit sauvée. Taper sur cette vieille carne de soifarde, ça ne servira à rien qu'à faire avoir des emmerdements aux amaches. Elle a la loi pour elle, il paraît. Alors, il n'y a plus de justice. Il y en a une, ma petite, pour t'envoyer à la nouvelle si tu crèves cette vieille vache. Les juges t'appelleraient la fille une telle, tandis qu'ils appelleraient madame, long comme le bras, ta regrettée victime, ce chameau qui est là. Mais c'est une salope! Ah, allez, vas-y de ton boniment, Garin, t'es un brave type, tu ne peux dire que des choses battent et sensées. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Compagnon, brave bougre, et vous, les mères aux gosses, faut savoir ce qu'on va faire. Et quand ce sera décidé, s'en tenir là. Eh oui. Oui, le philosophe, le vieux grand-père ici, il croit guère à la justice. Et moi non plus. J'ai jamais compris pourquoi la fifine l'avait dans le nas, la pauvre petite chérie, si gentillette. Compagnon et bourgeoise, vous ne voulez pas entrer dans tous les micmacs des flics et de tout le tonnerre de Dieu de la justice. Eh bien, je vous le dis, au nom de la société, on rendrait l'enfant à sa vieille charogne de mère. La société, c'est encore une vache. Mais oui, bon, ben personne ici voudrait rendre l'enfant à sa mégère. Silence. Cette justice, c'est vous qui allez la rendre. Oui, vous direz la main sur la conscience. Comment il faut faire pour empêcher l'enfant martyr de retomber entre les mains de son bourreau? Bravo, nous allons la juger. Faut lui crever les quinquets. Assez. Étriper quelqu'un, c'est des idées de bourgeois. Ça n'est pas la justice. Dans la cité des Biffins, il n'y a de justice que la justice des Biffins et des purées. De toutes ces guenilles, de tous ces haillons, jaillit l'implacable clameur de la justice. Et je serai le président de cette justice. Mais 75 ans et mon expérience me valent cet honneur. Et j'ai une profession. J'adopte les orphelins. Oui, c'est-à-dire que je ramasse les bouts de cigares aux terrasses des cafés et je vais les revendre aux alentours de la place Maube, là où se tient la bourse aux mégots. Va peut-être falloir vous dégoter en autre coin, les boursiers. Écoute, Bruant. Je me demande à quoi qu'on songe, en prolongeant la rue Monge, à quoi que ça nous sert, des escoires, des statues, quand on démolit nos rues, à la place Maubert, à la place Maubert. Quand on n'avait pas de marmite, on bouffait chez le père Lafrite, pour un peu d'aubert. Le soir, on levait une pétasse, un collègue sans limace, à la place Maubert, à la place Maubert. Pour trois ronds chez le père Lunette, où chantait la môme Toinette, on se payait le concert. Pour six ronds au château rouge, on s'enquête avec sa gouge, à la place Maubert, à la place Maubert. Au Aussi bon Dieu, je vous le demande, quand il y aura plus de rue Galande, plus d'hôtel Colbert, où ce que vous voulez qu'ils aillent, les purotins qui rouscaillent, à la place Maubert, à la place Maubert. Qu'on leur foute au moins des niches, comme on en fout aux caniches, qu'ils soient à couvert, sous quelque chose qui les abrite, quand ils trouveront plus de gîte, à la place Maubert, à la place Maubert. Ils vont quand même pas nous foutre la place Maubert en l'air. Déjà que l'hiver est dur aux adopteurs d'orphelins. Les terrasses sont désertes, on fume en dedans. Il faut pister les rupins sur les boulevards et quand on croit tenir le mégot, ces salauds de gonces s'offrent un sapin et on se tape. Dans le frio, les mégots sont moins longs. Les salauds de bourgeois y fument leurs cigares plus longtemps pour se réchauffer. C'est donc pas pour rien qu'on est doué d'un esprit observateur et d'une solide expérience de l'humanité. Et vous tous autour de moi, vous serez le jury. Toi, Garin, soutiens l'accusation. Oui, ma mignonnette, il t'a sauvé des griffes de l'ogre femelle. Reste dans ses bras. Ah oui, je suis bien au chaud. Tu as déjà confiance. Tu es bon et doux. Tu seras mon nouveau papa. Ah, Garin, mon vieux, je ne te savais pas séducteur du beau sexe. Regardez ça, vieux dur à cuire. Il en est tout retourné qu'il en chiole. Tu as raison, ma mignonne. Tant que tu appuieras ta tête frêle sur cette robuste poitrine, personne n'osera te faire du mal. Toi, le poète, approche un peu. En tant qu'ancien clerc de notaire, licencié en droit, excusez du peu, tu es tout désigné pour assumer la défense. Tout accusé a droit à un avocat, il faut suivre la loi. L'audience est ouverte. Gendarme, amenez l'accusé devant nous. C'est la justice du populo et je suis digne de la représenter. J'ai 42 condamnations pour pilonnage. Quoi le pilonnage, monsieur le philosophe? Mon enfant, c'est comme qui dirait ce que la loi appelle la mendicité. Eh bien, j'ai 42 condamnations pour pilonnage, oui mon enfant, mais pas une seule pour vol. J'ai plus de dents, plus de cheveux, plus d'yeux. Je peux pas marcher, je suis un pauvre vieux. Je traîne mes pieds dans mes savates. Je tiens plus debout sur mes deux pattes. Je peux plus me garer du sergot qui fait la chasse aux mendigos. Pourtant, je fais du tort à personne. Je pilonne. Je pilonne. Je demande des sous à ceux qu'en a. Laisse ceux qui soudent boire et de manger. Laisse ceux qui rôdent dans le nez des vieux comme moi qui se frottent le ventre au lieu d'être boulottés. Merde! Là, sergot, faut me trotter. Pourtant, je fais du tort à personne. Je pilonne. Ben oui, chez moi, c'est défendu. Ça déplaît à ces messieurs du coin du quai à cause. Et je m'en doute même pas. Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre qu'un vieux comme moi y tend la main à ceux qui rencontrent sur son chemin. Pourtant, je fais du tort à personne. Je pilonne. Va encore falloir trotter plus loin. J'étais pourtant bien là, dans ce coin. Mais les deux que v'là, c'est de la rousse. Rien que de les voir, ça me fout la frousse. Malgré que j'ai mes 67 ans, ces cochons-là, ils me foutraient dedans. Pourtant, je fais du tort à personne. Je pilonne. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 16e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Monique Thierry, Adrienne, Pierre Constant, Jean Robin, Francine Bouffard, Rose Aimée, Rosine Favet, Roculot, Yvonne Clèche, Fifine, Jean-Jacques Stine, Garin, Pierre Trabeau, le vieux philosophe, Philippe Lodenbach, le docteur, René Renaud, le journaliste, et Vera Feder, Lisette Lemaire, Ginette Franck, Patrice Keller, Jean-Paul Racodon, Luc Gentil, Gilles Varga, Hamzel, Michel Orlando, Véronique Angereau. La rue Saint-Vincent par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouli. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. L'épisode, le 16e, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 21 septembre 1981. Le 17e le fut le lendemain et le voici sans attendre. À la vaisseau, sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle. Sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 17e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Yvonne Clèche, Pierre Drabeau, Francine Bouffard, Manuel de Cset, Jacques Seller, Jean-Jacques Stein. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Comme il était fils de putain, il savait pas beaucoup de latin, ni d'autre chose. Il savait juste assez compter pour savoir ce que peut rapporter la petite rose, la petite rose. En filant la comète de nuit, dans l'ombre il aperçut devant lui une guérite. Tant pis qu'il se dit, je vais m'engager, je pourrai dormir, boire et manger sans marmite, sans marmite. Malgré qu'il avait pas d'état, ça fit tout de suite un bon soldat, et puis mince, qui mangeait à gueule, que veux-tu? Il t'est nourri, logé, vêtu, comme un prince, comme un prince. Ça faisait son blot, malheureusement, on la relève pas au régiment, ni de braise. Mais à Paris, il fréquentait une vieille marchande de vin qui était à son aise, à son aise. Une nuit qu'il était en permission, v'là qui tue la vieille d'un coup de sion, c'est-y bête. L'autre matin, déblaire d'un seul coup, place de la roquette, y a coup, paie la tête. tête, puis la tête. S'il serait parti pour El Tonquin, il serait fait crever le casaquin comme Rivière. Un jour on l'aurait peut-être gravé sur un marbre ou sur un pavé, le nom de sa mère, le nom de sa mère. Silence. L'audience est ouverte. Espèce de vieille taupe. Oui, oui. Il s'agit de toi, Fifine, sale poufiasse. Quand tu es venu t'établir dans notre cité avec ton homme, ton sale morveux de reculot et ta pauvre petite Gosseline si mignonne, nous t'avons reçu comme nous recevons les biffins et tous les copains en mistoufle. Pour te dire vrai, on n'a pas tardé à t'avoir dans le naze. Ton type qui restait des journées entières à rodailler avec des tas de marque-mâles dont nous n'aurions pas voulu par ici. Il n'avait pas de turban connu et vivait censément en rentier. Nous sommes des puretins, mais pas des truands. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ma fierté. 42 condamnations pour pilonnage. Pas une seule pour vol. Enfin, là l'autre jour, les flics qui s'amènent et ton homme est poissé comme fourgue. Nous n'aimons pas voir les flics chez nous. Et à présent, grâce à toi, sale chameau, ils vont être tout le temps sur notre dos. Du moment qu'il y a un receleur là-dedans, c'est qu'il y a des pègres. Voilà ce qu'ils se diront. Et c'est pas vrai. Je m'en fous. Et puis c'est pas prouvé, mon homme il peut sortir. Et quand il sera à ce qu'on a enquiquiné sa pauvre femme, il vous fera salement arranger par les costauds de la barrière. Elle nous menace. Qu'est-ce qu'ils viennent, les mares, les chourineurs? On cherche de les recevoir. Oh, ils auront pas envie d'y revenir. Et maintenant, on laisseront leurs arêtes sur le crochet. Ils seront frais dans la hotte, on les crèvera. Silence, allons. Fifine, tu les entends? N'en est pas le moment de faire tes magnes. Que tu ressautes et que tu rouspètes, on s'en fout. Et on s'en contrefout. Et de ton mec et tout, par la même occasion. Je parierais bien un mégot du prince de Galles que nous ne sommes pas prêts de revoir sa sale tête. Est-il seulement le père de tes gosses? Ouais. Bah pour sûr que non! Mes gosses, ils sont de feu mon légitime, on se respecte! Acceptez mon... Mon chérubin mignon. Ouais. Ton chérubin mignon, c'est-il ce panaré qui juterait du pu comme un tuyau d'arrosage si on le pressait? Cette petite flemme qu'a l'air d'avoir les côtes en long et un rude poil dans la main? Ce petit marloupio qui ne fout rien que de casser les pieds à tout le monde et qui se fait appeler le roquet de Malakoff par la sale racaille de morveux qui font des culbutes dans le fossé des fortunes? C'est le mignon à sa mémère. Tout le portrait de son dab. Un rude type, pourvu qu'il me reste le chérubin adoré. Le loupio à son monstre de paix. Celui qui te l'a fait devait être quelque sale type. Je ne vois pas un brave bougre en train de gigoter dans ton pieu. Dame, bon chien, chasse de race. La caque sent toujours le hareng. Enfin, je veux dire le maquereau. Tu peux te taper, mon chameau, si tu crois que ton roquet va rappliquer. Ce sale petit cabot galeux est en train de se pourrir un peu plus le sang qu'il a déjà assez dégueulasse. Tous mes compliments, madame. On est quelques-uns ici à le savoir. Il est déjà maqué avec cette petite marmite précoce surnommée sucre d'orge. Ah, si on peut dire, un chérubin du bon Dieu. Un pauvre petit innocent qui est jamais sorti de dessous les ailes de sa mémère. Tout ce qui arrive, c'est par rapport à cette petite peste-là, cette petite ordure. Un jaunet qui lui a été refilé par des gens de la haute. Une bonne dame bien charitable qui savait que sa pauvre mère était dans la panade depuis qu'on avait emballé son homme. Mon Jaunet ! Je veux mon Jaunet ! Tu lui as donné exprès pour qu'il foute le camp, hein ? Pour que je le revoie plus, hein, racaille ! Attends un peu, bon Dieu ! Mon vieux chameau, si nous avions eu l'idée de montrer de l'indulgence envers toi, ce que tu viens de faire est trop cochon. Nous en avons soupé de ta fiole. Et nous ne voulons pas te voir esquinter la gosseline qui ferait pas de mal à une mouche. C'est-il bien ton enfant seulement ? Eh ben pour sûr que non, je m'en voudrais. Vieille roulue ! Ça soulage de savoir que cette dolente créature, si résignée, ne t'est rien de rien. Ah, bah, chouette, alors on va pouvoir la garder, la gosseline. T'as aucun droit sur elle. On va te crever. Oh, la crever. Voler, ça, pour sûr. Il y en a qui volent des gosses comme ça, exprès pour les faire souffrir. Et on n'aura pas peur que t'envoies les flics pour qu'on te la rende. Tu pourras plus cogner dessus à ton aise. Ouais, faudra bien qu'on la crève à la fin des fins. Veux-tu dire... Où est-ce que sont les parents de la pauvre momichonne pour qu'on la leur rende ? Le seul moyen que t'as maintenant de t'en tirer à pas trop cher. Vrai pour ce qui est de ça, les parents ni vus ni connus. La gosseline, elle venait de naître quand elle m'a été apportée un beau jour, ou plutôt un sale jour, car il m'a plaqué après. Elle m'a été apportée par mon béguin. Le père à mon chérubin mignon qui est en train de bouffer le Jaunet à sa mémère, le pauvre chéri. Et ton béguin ? Et ton béguin, il était pas dégoûté ? Où avait-il chopé la gosse ? Ah, mon vieux, tu m'en demandes trop. Il m'a raconté un tas de boniments de l'autre monde. Oh, naturellement, j'ai pas cru un mot. Vous dire, il était menteur comme pain. Et coureur. Pour moi, c'est avec une mémesse qui a eu la petite. Alors, dame, je l'avais dans le nez. Cette momichonne, mettez-vous à ma place. C'est la jalousie. Quand on aime. C'est pas quand on n'aime pas. Je la gardais rapport à lui. Je me disais, il viendra la chercher un jour ou l'autre. Alors je le reverrai. Il est dans le sang, cet homme-là. Ma sangoire, s'il vient, il m'a laissé ce beau souvenir et puis il s'est tiré des pieds à l'étranger. Le nom de ce beau chérubin. Oh, 36, mais pas un bon. Je l'ai jamais su. Et les autres gonzesses qui se la pillaient non plus. Ragdal. Ouais. Tout le monde l'appelait Ragdal. Bah moi aussi, je viens de Saint-Ouen. Inconnu au bataillon. Ça remonte à Belleville, du temps de J.B. Chopin, mon légitime. Bah alors, c'était pas un biffin. Un biffin. Ragdal ? Il y en a pas un qui lui arrive à la cheville. Je tiens à la conserver auprès de moi, la môme. Comme je tiens à ravoir mon reculot. Deux gages précieux, l'amour et la haine, par lesquels l'espérance vit en moi. Revoir mon Ragdal. Je voudrais bien me tirer. J'en ai marre de vos gonces et plein mon fine de votre satiété. Continue sur ce ton. Et le gonce qui te sert de gendarme, il te casse comme une brindille. 120 kilos, il fait les poids sur les places de banlieue. Une riche nature, comme dirait Bruant. L'hiver à Paris fait des poids sur les places et dans les passages. L'été, je vais flânecher quelques mois dans les villes d'eau et sur les plages. Je fais le boniment, je ramasse les sous comme jette les michets contre la braise, et j'arrive à joindre les deux bouts avec leur pèse. Ils sont presque tous mal foutus, les godochets qui font la cure. Ils sont bancals, ils sont tortus, minés, rongés par le mercure. Ils ont les yeux jaunes, le teint blanc, le nez pincé, la gueule mauvaise. Ils viennent aux eaux se refaire le sang avec leur pèse. Eh ben, je les plains, c'est malheureux. Moi, j'aime la vie et la nature. J'ai de la santé, je suis vigoureux. J'ai des gonzesses pour ma figure. Je vais droit devant moi, sans savoir où, tandis qu'eux vont au Père Lachaise, où ce qu'on les foutra pas dans le trou, avec leur pèse. Bravo, au costaud des épinards. Silence ! Respectez la dignité du tribunal. Garin, tu as le crachoir, mon garçon. En cinq secs, faut pas raser les copains. Eh, les amas, vous savez si Garin le cheminot est un honnête homme. Il n'a pas de vieux dabs, ni de gonzesses, ni de loupiaux à faire croûter. Et il a du biceps, et il regarde pas à turbiner partout où il faut de l'huile de bras. L'hiver avec les bifins, l'été à la cambrousse. Au nom de la cité chiffonnière, au nom de la justice des purotins, voulez-vous me confier la gosseline? Elle sera bien. Et malheur à qui touchera un cheveu de sa tête. Eh ben, je l'adopterai, quoi, si ça vous va. Cette vieille carne n'est pas sa daronne, elle ne sait même pas à qui elle est. Eh ben, une supposition. Qu'elle soit à Gara, le cheminot. Elle sera un brave cœur. Mais, mon fiston, est-ce que ça ne sera pas une charge de trop pour toi avec le pauvre bouc que t'as ramassé à moitié crevé de froid? Ta cabane, c'est un hospice, ça va devenir une crèche. Il faut bien que j'aie ma petite famille. J'ai déjà un frangin d'adoption. Eh ben, j'aurai encore une gosse. Eh ben, soit. Emmène cette mignonne. Elle sera bien traitée et nourrie. C'est du propre. À son âge, prendre des petites filles. Cette vieille rosse, qu'elle nous foute la paix. Ne lui en demandons pas plus. Qu'est-ce trotte, illico presto subito, j'ai dit. Garin, mon garçon, comme tu y vas, on doit rester dans les formes, hein? Je n'ai pas pour rien entendu 42 fois des présidents pour de vrai prononcer la phrase sacramentelle. La parole est à la défense. Messieurs de la cour, messieurs les jurés, selon dans les lois qu'ils donnent aux Athéniens, 600 ans avant Jésus-Christ, n'avaient pas prévu de châtiment pour les parricides. Le crime, en horreur à la nature, paraissait si monstrueux au législateur qu'il ne lui semblait pas possible qu'on pût le commettre. C'est qu'il connaissait pas cette vieille carne de fifine. Oh, je le répète, il faut les triper. Oui, silence, silence, silence. Le défenseur s'exprime. Allons. Le coupable était simplement banni de la cité, livré aux remords qui... comme les terribles Erini, furie vengeresse, devait se charger de son châtiment. Parce qu'il cause bien, mais où qui va chercher tout ça? La conduite de cette abominable créature, torturant la pauvre enfant que notre honorable confrère, Monsieur Garin, lui a arraché, est aussi un de ces crimes qui font frémir la nature et déconcerte la sagesse du législateur le plus prévoyant. Dis donc, mon gars, je te rappelle que tu es le défenseur de l'accusé, tu n'es pas là pour l'accabler, faut respecter les formes. En un mot, commençant, à notre place, qu'est-ce que tes Athéniens, ils auraient fait de fifine? Aussi sec qu'ils l'auraient foutu à la porte de la cité ouvrière, cette vieille soifarde. Soyez-en sûrs, elle expira dans le délirium très mince les mauvais traitements qu'elle a fait subir à la charmante et délicieuse mignonne qui est devenue, Par un arrêt de votre haute cour, Mademoiselle Garin. Je m'appelle Ficelle Garin. Ah, qu'est-ce que je disais à l'instant, sacré bavard? Allez, viens ma mignonne, on rentre chez nous. Je m'appelle Mademoiselle Garin, il l'a dit. Eh bien, Mademoiselle Garin, nous rentrons chez nous. Messieurs, je m'en rapporte à votre haute sagesse et à vos sentiments de justice. Habiter chez toi? Ah, si tu veux bien, ma mignonne. Ah oui? J'ai plus de maman, je gagne un papa. Tu seras mon papa Garin. J'ai cherché mes affaires. Oh, bah, qu'est-ce que t'as comme affaire, mon ange, à peine vêtue comme t'es? Ah, des choses que je cache, qui me viennent de quand j'étais petite. Ma poupée, j'ai trouvé, elle pourra sortir maintenant. Ah bien. C'est derrière la case. Bon, bah, je t'attends, allez. Voilà mon baluchon. Ah. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire à maman Fifine? Ah, ça n'est plus ta maman. Ils vont lui rendre les coups qu'elle m'a donnés? Ah, j'ai bien peur que non, malheureusement. Voilà, nous sommes chez nous. Hein? C'est plus propre que chez Fifine. Quoi? Qu'est-ce qui remue dans le coin? Il est aussi noir que Toutou. Ne crains rien, Fifille. C'est la bête au bon Dieu. Ah oui, il est noir comme la gueule d'un four parce que dans son patelin, les gosses y viennent au monde comme ça. Oui, un coup de soleil sérieux, quoi. Bah, t'es trop blond, mon vieux. Mais s'y fera. Le temps vient à bout de tout, même du cirage. Ah, tu vois? Tiens, regarde, Mademoiselle Garin. Il te sourit. Oui, il est tombé malade. Il supporte pas le froid et il est pas comme nous. Il est drôle. Il a tout plein de dents. Approche. N'aie pas peur. Comme tu es jolie. Regarde, je vais te faire de la musique. Je t'apprendrai à en jouer. Je vais te chanter une chanson qui te fera rire. Une de celles que Monsieur Chabanet m'a appris. Jean de ville et de faubourg, Jean de ville et de faubourg, Jean de boutique et de cour, Jean de boutique et de cour, Jean sans reproche et sans peur, écoutez chanter encore le refrain de mes grillous. Miaou. Miaou, miaou, miaou. Nous nous foutons des riches, nous leur faisons des niches, et nous chantons le soir au cabaret du chat noir, au cabaret du chat noir. Miaou, miaou. Oui, encore, encore. Miaou. Miaou. Tu ris. Bah oui, tiens. Oh. Mais je sais rire. Oh, elle rit. Laissez-le parler. Au nom des biffins, des mendigots, des ventres creux, des pieds nus, des purotins et de tous les pauvres bougres qui n'ont pas le sou, mais qui ont du cœur au ventre. Le vieux chameau qui martyrisait une pauvre gosseline sans parents reconnus devra foutre son camp de la cité chiffonnière de Malakoff. Et cela d'auteur, de riff et d'achat en cinq secs, voire sans délai ni rouspétance, faute de quoi on lui foutra sur la gueule. Et sérieusement, parce que tel est notre bon plaisir. Traînera pas en longueur. Dehors, la vache. Faut les ventrer. Toutes tes quenilles dans la chignole. À quel on rigole, ça les là. Quand je pense qu'elle faisait tirer la gosseline. En route, vieille garde. Oula, mon je suis trop vieille. Oh, c'est trop lourd. Ce qui pleut, quelle vache de temps. Ça, c'est une trompe, un cyclone. Ou c'est le diable qui pompe, le bon Dieu qui pisse tant qu'il peut. Dans l'eau, je pourrais tirer ma coupe. Ah, ce que je vais être débarbouillé. J'ai jamais été si mouillé. Je suis trempé, trempé comme un sou. Sûr que je vais attraper du mal. Demain, il faudra que j'aille à l'hospice. Allons bon, là le bon Dieu qui repisse. Hé, hey, là-haut, espèce d'animal, pisse donc pas tant. Ça me tombe sur le naze. Fais donc attention, vieux sabot. Nom de Dieu, il y a du monde dans le pot quand tu prends Paris pour ton vase. Tu t'en fous. Eh ben, moi, y tout. Pisse donc, cochon. Pisse donc, vieille bête. Vas-y, va, pisse-moi sur la tête. Pisse-moi dans le dos. Pisse-moi partout. Mais vrai, tu n'es guère à la sonde. Tu veux te faire passer pour un fieux et tu profites que t'es le bon Dieu pour pisser sur la gueule au monde. C'était Les Bas-fonds de Paris par Jean-Jacques Stine, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 17e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand et Yvonne Clèche, Fifine, Pierre Trabeau, le vieux philosophe, Francine Bouffard, Rose Aimée, Manuel Dexette, Tommy, Jacques Seller, l'avocat, Jean-Jacques Stine, Garin. Et Patrice Keller, Jean-Paul Racodon, Luc Gentil, Hamzel, Ginette Franck, Pascal Liévin, Lisette Lemaire, Vera Feder. La rue Saint-Vincent par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly et Jean-Paul Charlap au banjo. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante Annie Delers. Réalisation Claude Roland Manuel. Ces épisodes, les 16e et 17e, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 21 et 22 septembre 1981. Et d'ici là, à télécharger ainsi que les précédents épisodes sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.